Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 4, colonne 4. Woonsocket, Rhode Island. Monsieur Étienne Bélanger visitera nos abonnés de Woonsocket la semaine prochaine. Avis aux personnes débitrices envers l'administration du courrier de Woonsocket. Madame Joseph Bouvier et Mademoiselle Mary Shawfield sont de retour d'une semaine de voyage à Montréal. Pierre Provost, barbier et coiffeur, Maison American, vient de monter une chambre de bain en arrière de la maison. Ce nouvel établissement pourvoit à un besoin qui se faisait sentir depuis longtemps à Woonsocket. George M. Wells, surintendant de la manufacture Hamlet, a semé en foin 5 acres de terre l'automne dernier et il a récolté 25 tonnes de foin et regains cette année. La manufacture Harris vient de classer les jeunes gens à son emploi à la demande du commissaire d'État des écoles publiques et plusieurs parents sont à faire des démarches auprès du surintendant pour obtenir les certificats requis par la loi. Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur l'annonce publiée dans une autre colonne de Messieurs Lavallée et Frères, restaurateurs, numéro 15, rue River, Woonsocket. Ses compatriotes ont fait des améliorations considérables à leur établissement, ce qui en fait un des plus riches de la ville. Ils ont aussi fait l'acquisition d'un jeu de poules pour le service des amateurs. Ils ont toujours un assortiment considérable des meilleurs vins, liqueurs, bières et cigares. À la grand-messe à l'église Saint-Charles, dimanche dernier, le révérend McCabe a fait un appel vigoureux aux chefs de famille de la congrégation pour qu'ils envoient leurs enfants aux écoles catholiques afin qu'ils apprennent leur religion et reçoivent une bonne instruction. Il a parlé d'élèves qui avaient quitté l'école catholique pour fréquenter les écoles publiques et à leur rentrée, après une absence d'une année, il a été nécessaire de les placer dans des classes inférieures, n'ayant pas fait de progrès comme s'ils avaient continué à fréquenter l'école catholique dirigée par les Sœurs de la Miséricorde. Messieurs Morin et Parizeau ont vendu leur fonds de commerce à M. P. L. Hébert, dont le magasin est dans la rue Center. Celui-ci a aussi acheté toutes les créances et billets. Il avise par son annonce de ce jour, insérée dans une autre colonne, les débiteurs du magasin Morin et Parizeau à aller régler compte avec lui ou prendre des arrangements à cet égard. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.